Bonjour mesdames, messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal et de la mi-journée de ce jeudi dont voici le sommaire. Toutes les cartes de prêt se sont désormais invalides et les concernés ont un délai de 2 mois pour leur renouvellement comme il a annoncé le conseil de communication ce jeudi. Et plus de 40 maisons ont été détruites suite à la pluie torrentielle tombée le soir de ce mercredi sur les collines de la commune Gihanga, c'est en province de Bubanza. Voilà pour l'essentiel au micro, vous êtes avec Vestine Boutoué, la cabine technique, vous êtes avec Eric Wiman. Au moment où ce journal est par la page de communication, les cartes de presse utilisées par les journalistes ne sont plus valides et les seront remplacées par une autre et dans peu de temps. Décision prise par le Conseil national de communication ce mercredi après une réunion avec les responsables des médias. La présidente de ce conseil, Vestine Nahimana, demande aux institutions étatiques ou privées de donner la permission aux journalistes de couvrir les événements en attendant la nouvelle carte suivie-là. Chaque dossier comportera quoi? Ça comporte l'ancienne carte de presse, les 2 photos passeport, ça comporte le contrat de travail pour les médias privés et ça comporte une attestation de service pour les médias publics. Pourquoi nous avons opté pour le contrat chez les uns et l'attestation chez les autres? Nous avons constaté qu'au niveau des médias privés, la plupart des journalistes n'ont pas de contrat. Alors, pour pouvoir pallier à ce fléau qui concerne les droits de l'homme, nous sommes dans le droit universel de l'homme, nous sommes dans la défense le droit du travail, parce que chaque employé est lié à son travailleur par un contrat de travail. Ça, c'est universel. Les délais sont 2 mois maximum. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas de carte de presse. Mais vous avez l'aval du CNC pour presser et sillonner partout où vous allez. Sur permission orale. C'est dans ce même cadre que j'interpelle et que je demande aux autorités, tant publiques que privées, aux institutions étatiques, de comprendre que dès aujourd'hui, il n'y a pas de carte de presse qui est exigée là où il y a les activités organisées ou là où il y a les cérémonies organisées. Dans un délai ne dépassant pas 2 mois, nous sommes sûrs que dans 2 mois maximum, tout journaliste ayant qualité de journaliste aura bel et bien sa carte de presse. Donc, à partir du 1er décembre, c'est-à-dire le 1er décembre, la dérogation aura fini. Et en page de justice, un détenu a déjà purgé sa peine ne devrait pas rester en prison. C'est la violation de la loi, de ses droits et c'est de son avocat. Cela a été dit ce jeudi par le bâtonnier lors d'une conférence de presse pour présenter son observation par rapport à l'état des lieux de la profession d'avocat et sa contribution dans la promotion de la justice au Burundi. Maître Jean de Dieu Mouzeng rappelle au procureur de bien appliquer le code de procédure pénale et demande aux avocats de suivre de près l'exécution des procès de leurs clients. On l'écoute. Lorsque les cours et tribunaux se sont prononcés sur la libération d'une personne, cette dernière devrait automatiquement bénéficier de sa liberté. Un magistrat du parquet qui ne le fait pas viole gravement la loi. Et il peut même être poursuivi pour cette action qui est contraire à la loi. Et surtout, je dois préciser que lorsqu'on commet un pareil acte, on oublie qu'on cause un dommage énorme à l'endroit de plusieurs personnes. D'abord, un dommage à l'endroit de la personne qui a bénéficié de la liberté mais qui n'en trouve pas. Un dommage ensuite à l'endroit de l'avocat qui a fait correctement son travail, qui a défendu la cause jusqu'à obtenir la libération de son client, mais qui, hélas, rencontre le refus sans raison et contraire à la loi, au refus d'un officier du ministère public ou d'un procureur de libérer la personne. Mais les avocats continuent à défendre et à chercher à obtenir la libération de ces personnes qui ont été libérées en s'adressant aux responsables des juridictions et parquets. Le procureur qui refuse de libérer une personne pourtant acquittée ou qui a purgé sa peine ou qui a été libérée provisoirement, ce procureur cause un énorme préjudice à l'État du Burundi. Vous savez que les personnes emprisonnées restent à charge de l'État. Ce procureur également oublie qu'il est en train de ternir l'image de la justice de la nation. À l'endroit des avocats, qu'ils continuent à exercer leur mission. Et en page entrepreneuriat, tous les colonnes, tous les piliers plutôt sont au complet et bien installés pour mettre au travail les jeunes. De surcroît, les moyens, quoique insuffisants, et le centre d'apprentissage sont disponibles. Assurance du chef d'État ce jeudi dans la commune et Chomba, province Karoussi, lors de la 2e édition du Forum national des jeunes intellectuels et l'inauguration du centre régional d'apprentissage multisectoriel. Évariste Ndayishimiye s'est réjoui de la construction de ce centre sans l'argent de l'étranger. Pourtant, il a interpellé les partenaires au développement que leur soutien est le bienvenu si toutefois il est destiné à appuyer dans l'évolution économique. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Il est 13h passées d'une minute au studio de la radio Isanganilo. Le journal est continué par la page environnement. Plus de 40 maisons de 3 collines et Gihanga dans la province de Bubanza, ainsi que 2 salles de classe ont été détruites par les pluies violentes qui se sont abattues dans cette localité ce mercredi soir. Ce jeudi matin, les victimes de ces intempéries étaient en train de rassembler les morceaux de tôle et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Les élèves des premières et deuxièmes années à l'école fondamentale et le Motomoto ont été contraints de rester à la maison ce jeudi, leur salle de classe ayant été complètement endommagée. Space Caritas Kawanyana pour les détails. Sur la colline Gihungwe, 24 maisons d'habitation ont été détruites par des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la localité de Gihanga ce mercredi soir. Sur la colline Kagwema, 17 maisons et 8 sur la colline Rumotomoto. Sur cette même colline, 2 salles de classe ont été également endommagées. Les élèves des classes de première année et deuxième année n'ont pas étudié ce jeudi. Ils ont été obligés de retourner à la maison puisqu'ils n'avaient pas de locaux où suivre les cours selon les responsables scolaires contactés. Les propriétaires des maisons détruites au nombre de 49 étaient en train de réparer et de rassembler les restes des tôles en morceaux. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide puisqu'ils sont pour le moment dans la désolation totale, comme ils le disent. Les responsables scolaires et administratifs indiquent qu'ils sont encore en train de collecter tous les dégâts enregistrés afin de transmettre le rapport aux autorités hiérarchiques. Space Caritas Kawanyana, Wanza, Radio Isanganiro. Merci, Space Caritas Kawanyana. En page élevage, les bouchers œuvrant dans la province de Bruli réclament la réouverture des marchés de bétail. Ces derniers se plaignent d'enregistrer aujourd'hui des pertes énormes car un bœuf qui les achetait à 1 200 000 au marché du bétail s'achète aujourd'hui à 1 800 000 francs burundais chez les éleveurs. C'est au moment où ces marchés sont fermés depuis plus de 4 mois. Une des mesures prises par le gouvernement dans le but de limiter la propagation de la fièvre de la vallée du Rift qui a attaqué certains animaux domestiques dans certaines provinces du pays. Correspondance depuis Bururi, Dozano Zambiman. Ces bouchers rencontrés au marché de Bururi disent qu'ils sont obligés de sillonner sur les collines à la recherche du bétail à abattre. Cela suite à la fermeture des marchés du bétail, ils grognent qu'ils enregistrent aujourd'hui des pertes énormes car le bœuf coûte énormément cher aujourd'hui par rapport à la période d'avant la fermeture de ces marchés du bétail, alors que le prix d'un kilogramme de viande n'a pas augmenté. Nous sommes obligés de chercher des animaux à abattre dans les ménages, mais nous enregistrons des pertes car ils sont énormément chers. Certains éleveurs ne veulent plus les vendre suite à la fermeture des marchés de bétail où ils avaient l'habitude d'acheter un animal pour remplacer celui vendu. Nous travaillons à perte car avant la fermeture des marchés de bétail, un bœuf que nous achetions à un prix variant entre 1 200 000 francs burundais et 1 300 000 s'achète aujourd'hui à un prix variant entre 1 700 et 1 800 000 francs burundais. Au moment où ces marchés du bétail sont fermés depuis plus de 4 mois, une des mesures prises par le gouvernement du Burundi pour réduire la propagation de la fièvre de la vallée du Rift qui a attaqué certains des animaux domestiques dans certaines provinces, les bouchers œuvrant à Bururi demandent au ministère ayant l'élevage dans ses attributions de lever cette mesure, surtout que les informations en provenance du bureau provisoire de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bururi disent qu'aucun cas de cette maladie n'a été déjà enregistré dans toute la province de Bururi. Certains des éleveurs qui vendaient leurs animaux domestiques au marché avant leur fermeture pour satisfaire certains de leurs besoins demandent également la reprise des activités des 3 marchés du bétail que compte la province de Bururi, ce qui permettra également la reprise des perceptions des taxes communales. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, la mairie de Kinshasa a annoncé ce mardi le 13 septembre une opération de contrôle des étrangers et des expatriés installés dans la capitale. Une décision du gouverneur de la ville de Gentigny, Ngobila, qui veut savoir qui est qui et qui fait quoi. Selon la RFI, tout expatrié, homme, enfant et femme, à partir de 6 ans, doit avoir une résidence légale et des activités connues. Et plusieurs étrangers, surtout des Africains et des ressortissants des pays d'Asie, se sont installés régulièrement dans la ville de Kinshasa comme dans d'autres parties de la RDC. Le même site révèle que leur nombre devrait être connu dans le cadre du recensement général de la population prévu en prélude des élections 2023. Et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a installé son mercredi après-midi le comité de rédaction d'une nouvelle constitution pour le pays. Le comité de rédaction de la nouvelle constitution est composé d'une cinquantaine de personnalités devant refléter la société centrafricaine. Selon le site de la Radio France Internationale, ils ont 3 mois pour proposer un nouveau texte fondamental. Les principales formations d'opposition ont toutefois refusé d'y participer, de même que l'Église catholique et la Cour constitutionnelle poursuivent l'examen des recours contre la formation de ce comité. Même mercredi devant les députés, le gouvernement et les représentants d'institutions, le chef d'État a déclaré se plier aux revendications du peuple et estimé qu'aucune institution n'avait le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce jeudi, mais permettez-moi de vous rappeler certains des principaux titres. Toutes les cartes de presse sont désormais invalides et les concernés ont un délai de 2 mois pour leur renouvellement, comme l'a annoncé le Conseil national de communication. Et plus de 40 maisons ont été détruites suite à la pluie torrentielle tombée le soir de ce mercredi sur les collines de Guiangassé en province Ouvanza. Voilà, nous mettons un point final à cette édition de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Wimana pour la collaboration technique. Et Festine Outouj était à la présentation. Au revoir, bon après-midi.